Tonight, we come together bound by our faith with genuine respect and inheriting the legacy of a great party. This is not a perfect party. We are not a perfect people, yet we are called to a perfect mission. Et bonsoir à tous dans cette boîte à bordel du mois d'avril. J'espère que vous allez tous bien, hein, forcément, obligatoirement. Et pour nous mettre un petit peu encore dans une ambiance électro ce mois-ci, je vous propose une petite émission encore sur... Le son acide que j'affectionne, je pense, de plus en plus. Et donc, j'avais envie de vous faire partager des petites découvertes musicales que j'avais chinées par-ci, par-là. Juste au passage, je suis extrêmement frustrée parce que ce soir, au sucre, il y avait Mike Paradinas et Rolando Simmons, qui sont deux artistes que j'affectionne particulièrement, qui font une soirée là, de 18h à minuit, et donc j'ai fait un choix existentiel très très compliqué de venir faire l'émission vu que c'était une fois par mois. Mais bon, j'avais déjà vu Mike Paradinas à Paris, un festival il y a très longtemps, peut-être 10 ans. Enfin bon, j'aurais bien aimé le revoir, c'est vrai que c'est assez, assez puissant comme son. Je vous en avais fait une petite émission d'ailleurs sur le label... sur le label c'était Wemé, et donc voilà, il y avait le label Mu du moins, ouais. Et il y avait pas mal de choses que je vous avais présentées à ce moment-là, c'était voilà, sympa. Donc on va aller sur un label qui s'appelle, il y a deux labels, mais enfin il y en a un, c'est tellement petit que je pense qu'il est en début de fonctionnement, donc il n'y a pas trop de sélection, mais je trouvais qu'il y avait quelques artistes qui justement étaient dans les autres labels, et c'est marrant, ces ponts qui se créent, ces sous-labels qui voyagent un peu dans les pays européens. On retrouve des artistes qui viennent un petit peu... donner une autre impulsion avec une autre couleur musicale, etc. C'est toujours intéressant. Donc il y a Massage Brain Cult, qui est un label espagnol, qui a qui a une couleur très très criarde, hein, par contre, sur leur site internet, hein, on est sur du rose et du bleu, même pas... Je sais pas être sur le Pantone où est-ce qu'il faudrait que je le positionne, mais ça m'a fait très très mal aux yeux. Enfin bon. Et ils ont donc 4 artistes que je vais vous présenter. Et ensuite, on va aller sur un autre label espagnol de musique acide qui s'appelle Evel, E-V-E-L, qui est basé à Cadiz pour celui-ci. Et pareil, donc il y a des artistes que je vous ai déjà présentés. En l'occurrence, là, il y a une sortie de... Global Goon avant-hier, qui était c'est intéressant. Bon, j'ai pas pu tout explorer du label, hein, c'est comme certains labels qui sont énormes, mais bon, là aussi par rapport à l'émission. Mais voilà, j'ai découvert un label comme Analogical Force que je vous avais présenté, un peu de 030303, un label néerlandais. Un peu la même énergie, et puis des artistes, des découvertes. Après, dans les nouveautés, ben, on aura quelques nouveautés, et puis d'autres sons que j'avais pas pu passer, pour faire une belle émission, on verra. Voilà, s'amuser. Allez, on va commencer donc cette sélection avec un artiste qui s'appelle Easy Kill. Alors, c'était marrant parce que sur leur site, c'est marqué, sur la sélection, c'est marqué Ezekiel. Alors, je me suis dit, oh, trop bien, Ezekiel, hein, et tout, le groupe lyonnais. Mais non, en fait, ça n'a rien à voir. Et donc, il s'appelle en fait, en vrai, Ezekiel. Donc, on va commencer avec un morceau qui s'appelle Nodding Bus Tech House. Mm-hmm. Et ensuite, on aura un autre artiste qui s'appelle Mouse, donc, qui a sorti un morceau qui s'appelle Beacon Free, que je vais vous présenter sur un album qui s'appelle Run Stop. C'est sorti en 2021, Easy Kill en 2017. Ensuite, il y a Bot, on va dire 1500, que je vous avais présenté aussi chez Analogical Force, qu'on retrouve là, avec un morceau qui s'appelle Rave 5.1. Et ensuite, Cranko Pop. Et ensuite, on enchaînera sur Evil. Voilà, je vous souhaite une belle émission pour sortir un petit peu de l'ordinaire, de ce qu'on peut écouter en ce moment, peut-être, peut-être pas, si vous êtes dans le même délire que moi. Enfin bon, bref. Allez, Easy Kill, yeah! C'était Cranko Pop, groupe producteur, on va dire, qui vieillait sur le label Massage Brain Cult que je vous présente. Voilà, des ambiances assez surprenantes encore dans ce monde de l'acide. Je trouve qu'il y a quand même une expression de créativité qui est assez débordante, où on ose aussi récupérer... dans d'autres mouvements musicaux, voilà, tout un tas d'influences. Et je trouve qu'il y a un métissage qui se crée qui est assez intéressant pour ceux qui aiment la complexité, etc., dans ce qu'on peut entendre. Et dans des rythmes un peu répétitifs qui peuvent être dansants, ce qu'ils appellent l'electro dance music. Mais surtout de la musique qui vient un peu... Voilà, nous mettre dans un état de détente et en même temps, voilà, il y a un massage comme Massage Brain Cult. Je suis tout à fait d'accord avec le nom de ce label. Juste avant, donc, on s'est écouté Bot 1500 avec un morceau qui s'appelait Rave 5.1. Juste avant, c'était Mouse avec le morceau Beacon Free sur l'album Run Stop. Et juste avant, c'était Easy Kill avec un morceau qui s'appelait Nodding Bus Steakhouse. Alors, je ne sais pas comment on dit. Mater. Ah oui, c'est ça. M-U-T-R. Un peu de mal, c'est comme les Arabes qui écrivent avec des chiffres en SMS. Là, c'est très, voilà, c'est particulier, mais bon, ça se fait dans toutes les langues au final. Voilà. Donc tout ça, c'était sorti récemment, 2018, 2021, 2017. Donc voilà, on est dans le futur, dans le turfu un peu. Alors, on continue avec le label Evil, donc avec alors des constructions de sons assez particulières aussi, avec un artiste s'appelle Felipe Vaz, V-A-Z, donc un album qui est sorti là récemment, février 2024, Architecture et Distraction, et le morceau s'appelle Zone of B. Donc il y a des il joue sur les accélérations, les décélérations, donc au niveau du rythme du morceau, voilà, c'est assez chaotique, hein, mais c'est esthétiquement intéressant. Il y a une mélodie, il y a une harmonie qui se crée. Ensuite on aura Anderbeat avec un artiste qui est catalan lui aussi. Ça s'est sorti en 2023, le morceau s'appelle I, c'est sorti sur un album qui s'appelle 1999. Ensuite on aura Exaline, Doro, alors on aura Anut Manson et ensuite je reviendrai, je vous raconterai. Voilà. Donc on se met cette architecture and Destruction, donc le nom de l'album, par Felipe Vaz. Thank you. クシさせられるんだ。 Voilà, je vous ai proposé donc une petite balade un petit peu dans le monde de Hanut. C'est pas le Hanut, Hanut Mansoun, avec le titre The Rearview Mirror and the Fluctuations. Donc c'est un peu comment dire, connoté un peu. Moi, je trouve comme un peu Boards of Canada, un groupe que j'apprécie vraiment dans ces moments où on a envie, voilà, d'être dans un paysage aussi familier. Alors, j'essaie de comprendre pourquoi il y avait cette envie de retourner, je ne sais pas, dans cette sonorité à chaque fois qui me faisait du bien, hein, qui n'est pas très, très acide, vous en conviendrez. Et en fait, il y a une analyse qui est intéressante et qui explique qu'en gros, Boards of Canada, en l'occurrence, sont dans un mouvement qui s'appelle l'anthologie avec un H. Et donc, ils expliquent qu'en gros, c'est un mouvement qui est apparu dans les années 2000. Hein, je reprends un peu ce qui est sur Wikipédia sans vouloir nommer. Mais enfin, ils expliquent qu'en gros, voilà, on a une espèce d'attirance pour tout ce qui est culturel, etc. La musique, le cinéma, la photographie. Les jeux vidéo, pour ceux qui ont eu la chance de jouer à Atari, tout un tas de, voilà, comment dire, de faits culturels qui ont existé à ce moment-là. Et en fait, on est très attiré par justement tout ce qui a trait à cet imaginaire, imagerie, sonorité également, enfin voilà. Et donc il y a une réinterprétation actuelle, on va dire, avec toute cette iconographie et sonorité du passé, avec une espèce de mélancolie. Il y a quelque chose d'assez assez triste quelque part, mais en même temps des choses assez qui nous font revivre quelque chose de un bonheur passé, voilà, une espèce de naïveté qu'on avait eue, hein, peut-être, je ne sais pas. Enfin, voilà, donc je trouvais que c'était une belle œuvre musicale que Hanut Mansoun nous a proposée. Et ça m'a fait du bien, voilà, de le partager avec vous. Juste avant, donc, on avait eu Exaline avec un morceau qui s'appelle Line. Un morceau qui s'appelle, pardon, My Body is Full of Metal, sur l'album qui s'appelle Lie In. Et juste avant, on avait Underbeat avec un morceau qui s'appelle I, comme la lettre I, sur un album qui est sorti en 99 et qui est sorti en 2023. Et juste avant, on avait Felipe Baz avec ses accélérations-décélérations, avec le morceau Zonen Off B, qui est sorti sur l'album Architecture et Distraction, sorti en février 2024. Maintenant, on va aller dans une ambiance un peu japonisante. Hein, mais de toute façon, ça se marie bien, je pense, avec la sonorité du label. Vous êtes bien sur la boîte à bordel. Et on va donc aller avec l'artiste japonais qui a sorti en 2015, là, un album qui s'appelle Wipe. L'album s'appelle Walk. Quand on écrit vite. Hein. Et le morceau que. Enfin, il y en a deux, j'ai envie de vous présenter. C'est. Voilà, toujours. Il y a quelque chose dans les artistes japonais qui, je trouve, en électro. Il y a une quelque chose de joyeux, quelque chose de voilà, qui respire la légèreté, etc. Et voilà, je m'étais dit que ça pouvait être sympa d'en mettre deux. Cardboard et Wipe. Ensuite, il y aura FLX, sorti en 2015, un artiste qui nous présente un album qui s'appelle Electronic Listening Collection 1, avec le morceau Full Nostrol. Et ensuite Secret Kitchen avec un morceau qui s'appelle Blue Lines, avec un, donc sur un album qui s'appelait Moteur Mater, sorti en 2016. Et ensuite, on se terminera avec Global Goon, donc qui a sorti un nouvel album qui est en pré-écoute hein, depuis quelques jours. Et la sortie officielle sera donc prochainement, le 26 avril. Donc je vous présenterai Gubnuk, l'artiste anglais, on va dire, Global Goon. Enfin, il est anglais, enfin, bref. Voilà, on va aller donc faire des petits ponts géographiques. Alors, avec Tayuka Teiriki, avec le morceau Cardboard, disais-je, et Wipe. My name is Ronald Davis. I've been on the street for about a year and a half now. Well, I come from the suburbs. Life, you know, which is rough. And I mean, I didn't sleep in the Lower Wacker. I didn't sleep on the bridges. I didn't sleep in little cardboard boxes and stuff, you know, just surviving, especially in the wintertime is the hardest time. And like, I go to a few lot of applications for a job and stuff. They look at me, you know, I'm not looking presentable. And then they, well, we'll call you, leave a number. But how can I leave a number when I don't have a phone? So it's just a struggle out here, you know. I just, you know, from day to day, people, I come out here and panhandle with my cup right here at the Metro train station. People come out bringing me sandwiches and stuff like this here. And I start out in my morning about 6 o'clock. You know, sometimes I don't even have enough to go to the flop house. You know, sometimes the flop house is a cheap place and they number 16 bucks for 24 hours right over there on Clark and Van Buren. And a lot of times I don't have enough money for that, so I had to end up sleeping in the park or on one of these benches downtown or something like this. And then the security guards come and run you off about 5 or 6 in the morning. So by 6 o'clock I started panhandling and trying to survive. And like I said before, some days I don't even have enough to get a room, so I just sleep on the street. But I depend on the people that's coming off the train, because most of them I give them respect. You know, most of them like me. They come out and give me clothes and food and stuff like this here, so I can survive. Give me a few bucks and everything, and I add it up at the end of the day and give me a little room for the night. And whenever I'm not fortunate enough to get the room, I just sleep in the street wherever I can. It's really humiliating to be shaking a cup 24 hours a day and people just look at you like you're some kind of little bum, you know what I'm saying? I mean, I have had people to walk past me and say, get a job, bum. And I said, wait a minute, I'm not a bum, I'm a human being. Human being. Human being. Human being. Human being. And it's hard. But after the end of the day, when people go home and everybody get on the metro train and they mind, and then I just feel so bad that I can't be going home, you know. I mean, I'm sorry, but it's really emotional because I'm really trying to get myself together and get off this train. Get off this train. Get off this train. Get off this train. Get off this train. Get off this train. Ouais, j'ai mis un petit morceau bonus. C'était Lama 3. On vient d'écouter le bonus track, on va dire, de leur album qui s'appelle Summer is a Shit and You Know It. Et le morceau s'appelait We're Idiots. Et oui, c'est assez touchant ce que dit ce monsieur en substance. Voilà, c'est la fin de cette petite sélection du label Evel que je vous invite à aller écouter sur Bandcamp et d'acheter si vous avez un coup de cœur pour un artiste, pour vous approprier le son. Il y a énormément de sorties physiques qui sont vite épuisées. D'ailleurs, juste avant, je vous avais passé Global Goon qui est déjà épuisé alors que l'album n'est pas encore sorti. C'est assez... surprenant. Donc voilà, il y avait donc le morceau Gubnk G-U-B-N-K voilà, qui est sorti, donc qui est pas tout à fait d'ailleurs sorti, sur un album qui s'appelle Adopt Me. Avant, on s'est écouté donc FLX avec un morceau qui s'appelait Full Nostril sur un album qui s'appelait Electronic Listening Collection 1. Avant, Takuya Dairiki avec deux morceaux, un qui s'appelait Cardboard et l'autre Wipe. Voilà, c'était sorti tout ça en 2015-2016, juste avant 2016. Voilà. Et voilà, voilà la fin de la sélection. Et juste après, on va aller dans cette boîte à bordel, explorer donc le qu'est-ce que c'est. Alors, comme ça fait longtemps que j'ai pas mis le générique, je vais vous le mettre, attention. Qu'est-ce que c'est ? Scarno, toujours là, quelque part, nous observe. Peut-être. Ouais. Peut-être plus dans les plages de Anvers que à Saint-Étienne. Peut-être, pourquoi pas. Hein. Ils ont le don d'ubiquité. Et on est immatériel. A priori, quand on n'existe plus, on a une conscience limitée dans notre monde physique. Oh là là là là. Enfin, bon. Physiquement, chimiquement, tout ça. Alors qu'est-ce que c'est ? Donc j'avais deux artistes que je voulais vous présenter comme ça, que j'avais dans un coin. Alors, on va aller dans l'espèce de transe bizarroïde. Comme la dernière fois, je vous avais passé un morceau d'Astrix. Là, j'avais un morceau de 7-Up 6 qui est assez prenant, très catchy. J'aime bien ce mot maintenant, catchy. Et il t'attrape ta cervelle et il te reste... il te laisse voilà, bien ancré dans le truc. Là, tu pars dedans. Et un autre artiste que je vous avais déjà présenté sur le label Research Occult qui s'appelle Fa. F-A avec un H au bout. Vous vous souvenez ? Et un artiste néerlandais. Et l'autre, 7M6, il me semble qu'il est belge, celui-là. Et en fait, la FA avait fait un bonus track sur un album qui s'appelait The Switch on My CH-101. Et j'ai trouvé que, waouh, il m'avait bien remué tout ça. Alors, je m'étais dit, oh tiens, ça serait bien pour l'émission de la boîte à portel. Voilà. Et ensuite, on va aller dans les nouveautés. Oui, il y en a trois. Mais on n'y est pas encore. Donc, pour commencer, on va s'écouter donc 7M6 avec un morceau qui s'appelle Enemy of Freedom, qui est sorti que sur SoundCloud, qui n'est sorti nulle part ailleurs. Donc, c'est bien d'en passer un peu par là. Et on charge et bon, 9 minutes 12 de plaisir. Ouh, pour ceux qui aiment. Après, on peut pas contenter tout le monde, évidemment. Enfin bon. Et dire que Rolando Simmons va bientôt commencer à la sucrière. Enfin au sucre, je suis dégoûtée. Oh là là là là. Bon enfin, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Thank you. drugs in this life. Powerful mind-changing drugs. Thank you. Voilà, Stefa avec un H au bout, un artiste néerlandais que je vous avais déjà présenté quelques fois. Oh, ça méritait bien quand même. Friday Face, morceau bonus qui est sorti sur un album qui s'appelle The Switch on My SH-101, donc la console sur laquelle il a composé ce morceau de dingue. Ce que j'aime avec Fa, c'est qu'au début, on a toujours l'impression que c'est, enfin, que on sait pas trop dans quoi il va nous embarquer. Ça paraît pas du tout, enfin, c'est un peu flou, c'est un peu le bazar et tout. Puis après, tout s'ordonne et tout se met en place d'une façon waouh, hyper construite, etc. Et ouais, j'adore ce concept. On se dit, ouais, c'est pourri et tout, ouais, non. Ouais. Et puis en fait, à la fin, on est super emballé. On se dit, ouais, c'est vachement bien en vrai. En vrai, en vérité, je vous le dis. Et juste avant, on a écouté donc 7M6 avec le morceau Enemy of Freedom, donc qui n'est pas sorti sur aucun album, puisque je l'ai découvert sur SoundCloud. Donc des unreleased qui font 9 minutes 12, voilà, qui ont une pêche néanmoins. Voilà. Alors ensuite, puisque j'ai fait la rubrique qu'est-ce que c'est, on va aller dans la rubrique nouveauté avec notre ami Mark Pritchard. Ouh, il est pas très fort, Mark. Alors j'ai un petit souci technique, c'est que j'ai un casque qui est défectueux. Mon oreille gauche crépite à fond, c'est pénible. Alors que je vais sur un réparateur, qu'on fasse une soudure. Oh là là là là. Et un mois après la fin de la garantie des 2 ans, évidemment. Bon, enfin, c'est un technicien qui est sur Saint-Étienne, puisqu'il a un magasin près de la place du peuple. Donc j'espère qu'il ira chercher le pourquoi du comment. Parce que j'ose pas trop dévisser les trucs. Après, je sais pas si je serais capable de revisser. Surtout parce que je regarderai, mais je serais incapable de comprendre la panne. Enfin bref, peu importe. Il faudra des tutos YouTube. Alors dans les nouveautés, il y avait 3 nouveautés, et il est 22h06 déjà. Il y avait Jeff Mills, et oui, Jeff Mills, l'artiste internationalement reconnu dans le milieu électronique, fait tout un tas de sorties, qui en a fait une là en avril 2024, avec un album qui s'appelle Néo Tantric. Et c'est du Jeff Mills, quoi. Ça, on entend, on ressent, c'est sa patte. Donc je vais vous proposer un morceau qui s'appelle The Phonetic World. Ensuite, il y a cet artiste que j'ai découvert récemment grâce à un mème qui m'a fait bien rire, de Hugnet. Je ne sais pas si vous êtes abonné sur Instagram à ce zig parisien, qui est aussi à l'origine d'une radio qui s'appelait Hôtel Radio ou Radio Hôtel Radio, Radio Hôtel, je ne sais plus, enfin voilà. Et malheureusement qui n'offre plus trop dans cette radio hyper alternative. Mais qui a fait un mème avec un artiste anglais qui s'appelle Nick Hayes, alias The Last DJ. Donc c'est un producteur qui a genre plus de 70 ans et qui fait de la dark techno, qui dépasse, et c'est trop marrant. Et il a fait une sortie qui s'appelle Implosion, qui donne des tricks. Des tricks ? Ouais. Sur comment faire des tracks avec des boîtes à rythme, etc. Et, c'est très drôle qu'un mec de 70 ans qui a une tête de genre de... Je ne dis pas d'anglais, de la haute société, nanana, et ils se mettent sur de la hard techno bien dark. Voilà, voilà. Et pour finir, on aura Lee Perry, qui, malgré sa mort, a sorti encore un album grâce à Skinny Pablo. Un morceau qui s'appelle Real Love. Et nous aurons terminé cette sélection. J'aurais pu faire un autre qu'est-ce que c'est, mais peut-être, peut-être pas. Nous verrons. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée sur les ondes de Radio Dio 89.5 FM et radiodio.org. Et ceci est un cahier, vous voyez, c'est du physique, car je fais ma préparation sur du papier et non sur un téléphone ou un ordinateur. Je garde mes notes précieuses. Voilà, voilà. Je vous redis un non n'est toujours pas un oui. Et puis voilà, j'espère que le mois d'avril sera un mois de prise de décision, peut-être pour certains, si vous avez décidé de changer de travail. Je m'adresse à certains, ouais. Et que vous trouvez que votre métier vous prend énormément de temps énergétiquement pour consacrer du temps à faire autre chose qui puisse être plus enrichissant. Dans l'état où la planète est, je pense que bon, bah, des fois il faut faire des choix sur la survie, etc. Mais bon. La survie économique et la survie de notre cerveau, il faut sous-peser la globalité. Bon, sur ces entrefaites, donc je disais que je voulais vous passer Jeff Mills pour commencer, voilà. Et il y aura peut-être Burial entre Lee Perry et Jeff Mills et Nick Hayes. Bon, comme dirait Lionel, tout de bon et hasta la vista, ou presque, je ne sais pas comment on dit... Voilà, hasta la próxima, hasta. Voilà, je charge et je m'en vais. Bonne nuit à tous sur Radio Duo 89.5 FM. Yeah.